Jusqu'à la mort, un chien en marché jusqu'à la mer. Tu l'as quand ton sein il a du buzz, sans la quand il est dans la merde. Le respect c'est jusqu'à la mort, un chien en marché jusqu'à la mer. Tu l'as quand ton sein il a du buzz, sans la quand il est dans la merde. Ça se donne un go normal, que ce soit la foudre dans le nez. Viens de faire ma confiance, ouais, ouais, ouais. Et tu finis comme Tony. Tout le monde veut le power man, tout le monde veut viser dans le mille. Ça sonne comme des fantômes, ouais, ouais, ouais. J'conduis Lambo, j'ai le permis côtier. Tu me vois pas, je fais pas le taulier. On va se voir, on va se donner. Je plains, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, je m'en rie, fais pas ça. Que des mythos, je suis pas le vito. C'est vraiment pas, ils veulent ma vie. Mais ils veulent pas mes soucis. Tout ce par quoi je suis passé. J'ai fait le tour autour de moi. Pas de bataille, faut que passer. On t'inquiète, ça va aller. J'avais moi des soldats. On est dans l'or, je fais mon trou à la tête, petit. Et maintenant, là, ils ont mis. Quand je sors à bord de l'RS6, ils m'en veulent, je reste fort que des idées de génie. Pas de bling bling, je rappe ma vie jusqu'à tard, jusqu'à tard. Mentalité OG, équipe comme la NASA. Et ça gère le hasi, Telegram ou Snapchat. Plus de loi, plus de principe. J'ai de la peine, moi je veux pas ça. Ta vie, le cœur est moisi. Ta vie, on est que de passage. Tout ça pour la monie. Elle a fait des dégâts. Ça aime la rue à la folie. On devient paranoïaque. Ça fait la vie de Ronnie. La haute marque, la détona. Sortir de la hausse. Faire le bien, se taille ailleurs. J'conduis Lambo, j'ai le permis côtier. Tu me vois pas, je fais pas le taulier. On va se voir, on va se donner. Tu plains, fais pas ça, fais pas ça. Ouais, je m'en rie, fais pas ça. Que des mythos, j'suis pas le vito. J'aime vraiment pas, ils veulent ma vie. Mais ils veulent pas mes soucis. Tout ce par quoi j'suis passé. J'ai fait le tri autour de moi. Pas de bataille, faut que le passé. On t'inquiète, ça va aller. J'avais moi des soldats. On est dans l'or, j'fais mon trou à la tête, petit. Et maintenant, là, ils ont mis. Quand j'sors à bord de l'RS6, ils m'en veulent, j'reste fort que des idées de génie. Pas de bling bling, j'rappe ma vie jusqu'à tard.